الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه من تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد يا عباد الله donc après les deux interventions de la semaine dernière nous allons reprendre بإذن الله تعالى notre lecture dans le livre de آداب المسلمة le cheikh Abdullah Al-Iryani, Hafizallahu Ta'ala. Naam. Il arrivera encore de temps à autre que je fasse des conférences. Donc cela viendra empiéter sur le programme, mais je vous avertirai, par exemple, tel jour, conférence sur tel sujet, ainsi de suite. Et voilà. Biznillah. D'ailleurs, la prochaine que j'ai prévu de faire, c'est sur certains termes que beaucoup de muslims emploient, qui sont interdits. Qui sont en transgression avec la religion et qui pourtant courent sur les langues des gens avec une aisance affolante. Et donc, Inch'Allah, on aimerait mettre en attention cela dans une prochaine intervention. Je ne sais pas quand, mais je l'annoncerai. Bismillah. Taïeb. Donc, la dernière fois, Bada'na bin Muqaddima wa qara'na fi kitab al-Sheikha Umm Abdillah bint Shamurbil, rahimahullah ta'ala. On avait pris dans la Muqaddima, on avait lu certains passages. Tiré du livre de la Sheikha Umm Abdillah, la fille de Shamukbil, dans Sifat al-Mar'a Saliha, les caractéristiques de la femme Saliha, pieuse. Et on n'avait pas fini faute de temps. Il me restait un chapitre, bon, on va pas dire un chapitre, mais il me restait un passage à lire, et qui est très important pour ce qui va suivre dans le livre en lui-même, qui sera étudié. وقالت عدم تقديم الهوى على اتباع الحق والهدى qu'il ne faut pas faire devancer les passions sur le suivi de la vérité et de la guider. Donc là c'est la mise en garde contre le suivi des passions. Elle-même a mis cela en début de son livre en sachant pertinemment que la femme étant dotée d'une raison réduite est très émotive et plus sujet à être prise par les sentiments que les hommes. La femme est très sensible, très émotive, et cela impacte beaucoup d'entre elles sur leur religion, dans leur choix et dans leur vision des choses. Nous sommes à Hadabil al-Awatif. Les Awatif, c'est les émotions et les sentiments. Et malheureusement, cela a fait tomber pas mal de sœurs dans des arzaïm, même des paroles, des fois, elles ne se rendent même pas compte, c'est de la ridda, l'apostasie. De refuser certains jugements de l'islam, parce que cela ne convient pas à leurs émotions. Ou à leur conception personnelle qu'elles sont faites de l'islam. Et cela dû à leur ignorance, ou l'éducation qu'elles ont reçue, qu'on leur a toujours appliqué des choses de la religion qui ne font pas partie. Ou qu'on lui a mis en garde contre les choses qui font partie de la religion, justement. Donc, là, c'est des choses importante à faire. À la base, comme je vous l'expliquais, هذا يشمل الجميع. C'est valable pour tout le monde, même pour les hommes. On va suivre l'adilla. Les adillas sont généraux, là. Ils touchent les hommes comme les femmes. كل مؤمن. Cependant, là, on met l'accent sur la femme, car elle est plus à même à tomber là-dedans, dans pas mal de choses de la religion, dues à l'éducation reçue. Et on parle de la France de façon générale. Et de la vision nouvelle que l'on donne à la femme dans l'émancipation, dans la liberté, dans l'indépendance et ce qui s'ensuit. Non. Taqul ta'arif la hawa. La définition du hawa. Qala Muhammad ibn Abdillah al-Shahir bi ibn Malik. Dans son livre Ikmal al-Mu'allim bi taflis al-Kalam. الهوى مصدر هوى الشيء أحبه. Donc هوى c'est le مصدر du verbe هوى qui veut dire aimer une chose. وقال راغب الأصفهاني في مفردة القرآن الهوى ميل النفس إلى الشهوة. ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة. Donc le هوى, nous qu'on traduit par passion en français, c'est le penchant de l'âme pour les plaisirs, pour les désirs, pour les envies. Et on dit cela pour, justement, une âme qui penche pour cela. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين الهوى ميل الطبع إلى ما يلائبه que le hawa c'est le penchant de l'âme, c'est-à-dire le fond, la nature première de la personne, c'est-à-dire le tab, c'est ta nature, quoi, ton fond à toi, vers ce qui lui correspond, vers ce qui lui l'arrange, vers ce qui lui convient. Pas religieusement, mais ce qui convient au désir de la personne. وحذر الله عباده من اتباع الهوى وذمه وحثهما الابتداع عفوا الابتداع دون الابتداع والاستحسان. Que Allah Azza wa Jal a mis en garde les serviteurs de suivre les passions et a blâmé cela. Et les a incités au suivi et non pas au fait d'innover. Et ni à l'estirsen, estirsen, on a expliqué la dernière fois, c'est le, on appelle ça assentiment en français, c'est le fait de juger soi-même, par soi-même, une chose comme étant bonne. Moi, je vois que cela est bon. Moi, cela me convient. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع فإن الإسلام مبني على أصلين أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعبده بالأهوى والبدع. الشيخ الإسلام il a dit que les adorations leur socle c'est la législation et le suivi et non pas les passions et l'innovation. Donc l'islam est basé sur deux fondements, de n'adorer que Allah seul et de n'adorer que parce qu'il a légiféré à travers la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut l'adorer par nos passions, c'est-à-dire parce qu'il nous convient nous. D'accord, nous on voit une chose bonne, donc on se dit par cela je vais adorer Allah azza wa jal. Ça c'est le chien des Nasara. D'accord, des choses qu'eux ils estiment comme étant bonnes en font des adorations, même si cela venait à contredire leur législation. C'est basé sur leurs sentiments, sur leurs envies. Alors que nous, non. Des choses qu'on peut trouver bonnes et en religion ne le sont pas, et des choses qui peuvent nous déplaire au premier abord et qui sont bonnes en religion. Comme dans le Ta'ala, « Asa an takarou shayen wa khaylun lakum, asa an tuhibou shayen wa sharun lakum, wallahu ya'lamou, tu me ta'lamoun. » Il se peut que vous ayez de la répulsion pour une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Tout comme il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et Allah sait alors que vous ne savez pas. Donc, nous, c'est la religion qui nous dicte, qui nous dirige. ثم قالت الهوى صارف عن تقبل الحق. Donc maintenant on va citer les conséquences des hawa. Par exemple, parmi ces conséquences, c'est que c'est une chose qui te détourne de l'acceptation de la vérité. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Il a dit et sache que si jamais ils ne te répondent pas, c'est-à-dire lorsque tu les appelles à la vérité, tu les appelles à appliquer, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui donc est plus égaré que celui qui sait ses passions, autre que la vérité venant d'Allah Azza wa Jal, et que certes Allah ne guide pas un peuple d'injuste. Celui qui suit les passions, il finira par ne plus être guidé par Allah Azza wa Jal. C'est des conséquences qu'il y a. C'est pour cela que le haq, quand il parvient, il faut l'accepter. Aussi amer puisse-t-il être, on doit l'accepter. Et c'est ça le musulman. Elle est islam, la soumission. Tu te résignes, tu acceptes, tu te soumets. Et même si au début ça peut paraître amer, au fur et à mesure, Allah Azza wa Jalla mettra la saveur. Taqul ittiba al hawa dhalal wa ghayy. Que le suivi des passions, c'est un égarement et également un détournement. Qu'Allah Allah Azza wa Jalla. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أو داود nous avons fait de toi un calife sur terre, alors juge entre les gens par la vérité et ne suis pas les passions car elles te détourneront du sentier d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui s'égarent du sentier d'Allah Azza wa Jal, ils auront un dur châtiment pour ce qu'ils ont oublié le jour des comptes. Wa qala Azza wa Jal, wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Et il dit qu'il donc est plus égaré que celui qui suit ses passions, sans guider, venant d'Allah Azzawajal, et que Allah ne guide pas le peuple d'injustes. Et c'est un autre verset encore. Taqul el hawa qad yu'bad, que les passions peuvent être sujets d'un culte. C'est-à-dire, les gens adorent leurs passions. Quand Allah Azzawajal, fi kitabihi al-karim, ara'ayta man ittaghaza ilaha wa hawa, afa'anta takunu alayhi wakila. As-tu donc vu, n'as-tu donc pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Est-ce que tu as été porté garant pour lui ou pas? Afara'ayta man ittaghaza ilaha wa hawahu wa dallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi hishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris leur divinité, leur passion comme divinité, afwan, et que Allah a égaré et a scellé leur oui ainsi que leur cœur et a mis un voile sur leur vue, et qui donc pourra les guider après Allah? Ne vous rappellerez-vous donc pas? Et c'est ce qui se passe beaucoup chez beaucoup de personnes, c'est que leur passion, c'est ça qui domine leur vie, c'est ça qui dirige leur vie, et c'est pour cela qu'ils luttent, c'est pour cela qu'ils combattent, c'est pour cela qu'ils vivent. D'accord? Donc leurs passions sont devenues leur divinité. Eux, ils vont pas te dire « j'adore telle chose », mais leurs actes, ce qu'ils y vouent, l'amour qu'ils y portent, c'est l'amour à la base qu'on doit porter à Allah, Azzawajal. La façon dont ils s'investissent dans leurs passions, c'est la façon dont normalement le croyant s'investit dans l'adoration. J'en ai parlé par exemple il y a pas longtemps, lors de l'intervention sur les Jeux Olympiques. Voyez de quelle manière les athlètes ayant atteint leur but se comportent. De quelle manière ils se comportent? Ils pleurent, ils s'écroulent, ils s'effondrent. Ou le contraire quand ils perdent. Parce qu'ils ont voué toute leur vie, tout leur temps, toute leur énergie, peut-être même leur argent, et ils en ont fait un but exclusif. Peut-être plus motivé que bien des musulmans à vouloir avoir le Jannah. Pour eux, c'était leur Jannah, avoir cette médaille d'or. Et regardez de quelle façon, lorsqu'ils obtiennent le bonheur qu'ils ont, qui est intense, qui, c'est comme s'ils avaient gagné leur vie, ça y est, j'ai réussi dans ma vie, j'ai une médaille d'or. Ou le contraire, quand ils ont perdu, ils s'écroulent, ils s'effondrent, genre j'ai raté ma vie. Ya subhanallah. Et ben ça, c'est un pur exemple de la personne qui prend ses passions comme divinité. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين تحقيق محمد طيب ساسي با امبورطون نسيتي البدع والهوى هما اصل كل شر وفتنه وبلاء وبهما كذب الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات الى دي ابن القيم que les innovations et les passions sont la base de tout mal et de toute fitna et de toute calamité. Car c'est par ces passions que les messagers ont été refusés, démentis. Et c'est par ces passions que Allah Azawajal a été désobéi. Et c'est par ces passions que des gens ont été rentrés au feu. Et c'est par les passions que le châtiment s'est vu légitimiser sur bien des peuples. Donc beaucoup de gens, lorsque tu leur parles de religion qui refuse, c'est les passions. Après, il y a d'autres facteurs collatéraux, ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, mais bon, tout cela revient aux passions, que la personne fait dominer ce qu'elle ressent, elle, que ce soit un refus ou une acceptation, pour rejeter ce qui lui vient comme vérité. وقال في روضة المحبين الهوى ما خلط شيئا إلى أفسده فإن وقع في العلم أخرجه للبدعة والضلالة. Donc il a dit, les passions, lorsqu'elles se mélangent à quelque chose, elles la corrompent, elles la pervertissent, elles l'altèrent. Par exemple, lorsque les hawa tombent dans le ilm, elles font sortir vers l'innovation et l'égarement. Donc celui qui suit ses passions en ayant du ilm, il deviendra parmi les gens des passions. Donc elle est l'ahwa, c'est elle est bida. وَنْ وَقَعَ فِي الزُّهْدِ أَخْرَجَ صَحِبَهُ لِرِيَا. Lorsque ses passions tombent dans ce qu'on appelle l'ascétisme, le désintérêt, alors ça tombe dans quoi? Dans l'ostentation. C'est-à-dire que la personne, elle ne fait pas ça pour Allah Azzawajal, elle le fait pour autre chose, donc ça amène à l'ostentation. Et cela amène à contredire la sunna. وَنْ وَقَعَ فِي الْحُكْمِ أَخْرَجَ صَحِبَهُ إِلَى الظُّلْمِ وَصَدَّهُ عَنِ الْحَقِّ. Lorsque ses passions tombent dans le fait de juger, cela va amener la personne à devenir injuste il a obstrué le sentier vers la vérité. وَنْ وَقَعَ فِي الْقَسْمَةِ الْقِسْمَةِ خَرَجَتْ عَنْ قِسْمَةِ الْعَدْلِ إِلَى قِسْمَةِ الْجَوْرِ. Lorsque ces passions tombent dans le fait de partager quelque chose, une distribution ou autre, elles vont te sortir de l'équité pour devenir une personne bah, inéquitable. En fait. Parce que tu veux juger avec tes passions. وَنْ وَقَعَ فِي الْوَلَايَ وَالْعَزْلِ أَخْرَجَ صَحِبَهُ إِلَى خِيَنَةِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ حَيْثُ يولي بهواه ويعزل بهواه. Là, mais lorsque ses passions tombent dans le fait de devoir décréter un commandeur ou de destituer quelqu'un, quand on fait cela par passion, cela mène à trahir Allah et les musulmans, car on va mettre en place une personne à autorité par les passions et on va destituer quelqu'un par les passions. Mais c'est le cas de la démocratie. Quand on vote pour quelqu'un, on choisit quelqu'un, d'accord, on le fait par quoi? Par passion. Parce que cette personne-là va amener des jugements qui nous conviennent ou nous éviter de subir des choses qui nous déplaisent, selon notre vision à nous. Ça a été le cas, par exemple, comme j'en ai parlé encore il y a quelques temps, la masala des votes. D'accord? Ce qui amenait à ce que les gens, par leur passion, et ce n'est pas pour Allah, parce que la shara, la législation n'appelle pas à voter, mais elle l'interdit. Donc ces gens-là sont partis voter pour un tel et un tel. C'était quoi le but? C'est pas sauver l'islam, c'est sauver leur situation en France et pouvoir s'imaginer qu'ils vont pouvoir, avec ces gens-là, appliquer leur religion et éviter les problèmes du RN. C'est tout. D'accord? Donc ça a été quoi? Les passions. Car en réalité, s'ils avaient fui le chat, ils n'auraient pas voté. Malgré que des gens leur ont dit qu'ils peuvent, malgré qu'on leur a mis des ambiguïtés, ils ne l'auraient pas fait. وَنْ وَقَعَ فِي الْعِبَادَ خَرَجَتْ عَنْ تَكُونَ تَوْعَ وَكُرْبَ. Et lorsque, justement, ces passions tombent dans l'adoration, alors elles font sortir du côté d'obéissance et de rapprochement vers Allah et t'emmènent vers l'égarement. Donc, elles ne sont pas mêlées à quelque chose sans qu'elles ne le corrompent et qu'elles ne le pervertissent. وَذَكَرَنَا شَيْطَانِ سَلَهُ دَخَلْ عَلَى إِبْنِ آدَمْ إِلَّا مِنْ بَابِ الْهَوَى. فَإِنَّهُ يَطِيفُ بِهِ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُفْسِدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَأَعْمَالَهُ فَلَا يَجِدُ مَدْخَلًا إِلَّا مِنْ بَابِ الْهَوَى فَيَسْرِي مَعَهُ سَيْرَانَ السَّمِّ فِي الْأَعْدَاءِ وَفِي الْأَعْدَاءِ. Donc il a dit que Shaitan, là c'est le ah oui, j'ai oublié de dire, en fait les frères m'ont fait la remarque, barakallahu fikoum, on peut dire autrice pour une femme qui écrit un livre, et on peut dire auteur avec un e. Quand j'avais un doute, au fond de moi je me rappelais de ce mot-là, mais j'avais pas dit une bêtise, donc je l'ai pas dit. Mais on m'a confirmé qu'on peut dire autrice et auteur avec un E à la fin pour une femme. Parenthèse. Donc, l'autrice a cité que Ibn Qayyim a dit que Shaitan n'a aucune entrée, aucune emprise sur les fils de Adam, si ce n'est par les passions. Donc, il tourne autour de l'homme pour chercher de quelle façon il va pouvoir, lui corrompre son cœur et ses œuvres. Il ne trouvera aucune entrée vers lui si ce n'est pas les passions. Et à ce moment-là, il va rentrer à travers lui et parcourir son corps de la même manière que le ferait un poison dans les membres. Et ça, c'est une nasiha pour les femmes, qu'elles prennent garde aux mauvaises fréquentations. À la base, c'est tout le monde, hein. Mais la femme, qu'elle prenne garde aux mauvaises fréquentations, aux mauvaises références. Aujourd'hui, Mathalène, on voit que beaucoup de mauvaises références, elles sont ce qu'on appelle les influenceuses sur les réseaux sociaux. Car les choses auxquelles les gens se réfèrent le plus actuellement sont les réseaux sociaux. Là où ils passent le plus de temps, c'est pas dans les kutub, c'est pas dans le mushaf, c'est même plus la télé comme avant. Ce sont les réseaux sociaux, c'est une réalité. Donc des gens ont compris le système, et bien sûr, l'exploitent afin de pouvoir diffuser leur poison, leurs idéologies, leurs préceptes, leurs fondements et égarer les gens. Et ils portent leur nom, influenceurs. Ils sont là pour t'influencer. Les mu'assiroun. C'est-à-dire que t'emmener vers la voie que eux jugent comme étant la bonne. Ou même s'ils savent qu'elle est mauvaise, t'emmener là où ils veulent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont fatigués. Ils savent très bien qu'ils se disent c'est n'importe quoi. Mais ils ont un objectif derrière. Égarer les gens et se faire de l'argent. Égarer les gens et faire de l'argent, quitte à mentir. Ce sont des agilas. des grands menteurs. Et parmi ces personnes-là, il y a des gens qui se font passer pour des prédicateurs ou des prédicatrices. Même tu les vois habillés d'un niqab, parler, et au fond d'elles, elles ont des afkars munharifa. Elles vont te sortir des hadiths, des versets, te dire des vérités. Shaitan aussi dit des vérités, on dit souvent, les koufars disent des vérités. Mais cette vérité, c'est comme, après, c'est le poison caché dans le miel. Donc l'apparence, ça va être attirante. L'apparence de droiture, l'istikama, une femme avec un niqab, une femme qui laisse apparaître des connaissances. Donc elle va dire des choses, des jugements qui sont évidents, qui sont clairs. Mais après, elle va sortir et prendre une voie parallèle et sortir sa philosophie. Et quand tu auras porté ta confiance en elle, et que tu croiras en elle, eh ben, tu vas lui faire confiance et penser que ce qu'elle te dit, c'est une réalité. Alors qu'en fait, elle t'égare. Tu t'en rends même pas compte. Et après, comme c'est une femme, d'accord, et que les femmes sont à la base sont habituées à ce que les prédicateurs soient des hommes, elles disent, ah, enfin, une femme. En plus, une femme en niqab, c'est-à-dire qu'elle nous représente, nous, les sœurs qui sont sur la sunna, ce genre de choses, car elles sont pas habituées à ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme de tahazzub qui se fait une forme de hizbiya autour d'elle, de fanatisme autour d'elle, car elle est comme une forme de porte-parole, de modèle, et elle fait ressortir ce que des femmes, certaines combattent, et d'autres refoulent en elles, mais des passions, en fait, mais elles te les légitiment, elles te les embellissent, et elles te les mettent d'un côté qui pourrait te paraître comme étant en concordance avec la religion, chose qui n'est pas le cas. Donc, elle t'égare. Et au final, tu suis tes passions. Tu penses que tu suis le haq, tu suis tes passions. Donc, fais attention à ça. On a pareil chez les hommes. Des frères qui viennent avec la barbe, le kamis, la chichia, ils sont à Mecca, ils sont à Medina, que des choses qui apaisent le cœur. C'est, voilà, il n'est pas à New York, il n'est pas à Thaïlande, il est, voilà. Et pourtant, il te place son poison dans le miel. Et toi, tu bois le miel à grande gorgée, tu t'en rends même pas compte. Une fois que le poison est rentré, c'est trop tard. Il a un incha'Allah. Elle dit, حفظ الله تعالى, من أنواع الهوى, قال الشيخ الإسلام في كتابه الاستقامة, من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضه ولا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله وهذا من نوع الهوى فإن تبعه الإحسان فقد اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإن أصل الهوى ومحبة النفس ويتبع ذلك بعض يتبع ذلك بغضا عفوا ويتبع ذلك بعضها والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه فإن ذلك لا يملكه وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض الآية. Il dit, Cheikh l'Islam, que parmi les gens, il y a des gens dont l'amour et l'inimité, ou l'inimitié, l'animosité, et le désir et la détestation sont en fonction de son penchant personnel. Et non pas en fonction de ce que Allah Azza wa Jal aime et que son messager aime. Ou ne déteste pas en fonction de ce que Allah déteste et que son messager déteste. Et ça, c'est une forme de passion. Et donc, si la personne fait cela, en fait, elle suit ses passions. Car il va se mettre à juger selon son bon vouloir. Comme on l'a dit au début de la lecture. Ce qu'il va voir comme étant bon, et en réalité, ce qu'il voit bon, ce qui l'arrange lui, eh ben, il va l'aimer. Et il va essayer de faire en sorte que cela, chercher des choses de la religion pour coordonner cette idéologie, pour la justifier et la prêcher. Comme beaucoup de gens le font. Donc en fait, ce qu'ils font, ils ne t'appellent pas au haq, ils t'appellent à ce qu'eux, ils aiment. Et ils ne te font pas détester ce que Allah Azza wa Jal déteste, mais ils te font détester ce qu'eux détestent. C'est un sujet qu'on voit souvent. Dans la hijra, par exemple, les gens, ils parlent, ils disent, je te conseille pour la hijra, fais attention, ainsi de suite. En fait, parce que lui, il ne veut pas la faire, il n'aime pas ça. Donc, ce qu'il veut faire, il va en sorte que tu n'aimes pas toi non plus. Et il va aimer des choses. Par exemple, Khurush al-Hukam, il va aimer la sentence contre les gouverneurs. D'accord? Mais il va te la justifier par des paroles, en parlant de l'injustice, te prendre par les sentiments, justement. Hein, te prendre des images de gens qui sont lésés dans les pays d'islam, ainsi de suite. Et en réalité, il t'amène vers quoi? Vers le fait de ne plus aimer le gouverneur du pays d'islam. Et quand tu n'aimes plus le gouverneur du pays d'islam, eh ben, tu ne vas pas aimer le pays d'islam, tu ne vas pas y aller. Tu ne vas plus y aller, tu veux justifier le fait que tu restes en France. Donc quand les gens te disent qu'ils ne savent pas où vont te diriger, d'accord, et que l'islam est combattu partout, en fait, c'est des gens qui n'aiment pas les pays d'islam de base, car ils pensent que les gouverneurs sont trop injustes. Donc en réalité, ils voient que le gouverneur français, même si c'est un kafir, eh ben, tu as plus de droits en France que tu en auras en pays d'islam. Donc ils disent pourquoi tu pars. En pays d'islam, on va encore plus te faire de mal qu'on va t'en faire en France. Et ça, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Mais les gens ne voient pas l'envers du décor et se font duper. Donc, il parle par rapport aux goûts et aux couleurs. Et que nos goûts et nos couleurs, tant que cela ne vient pas enfreindre la religion, il n'y a pas de problème. Tu aimes une chose et que l'islam n'interdit pas, il n'y a pas de problème. Tu n'aimes pas une chose que l'islam appelle aimer, il n'y a pas un problème. Mais quand c'est le contraire, il y a un problème. Quand tu mets à aimer ce qu'il ne faut pas aimer, détester ce qu'il faut aimer, c'est un problème. D'accord? C'est un problème. Et malheureusement, la France a éduqué les femmes à suivre une voie qui amène à rejeter celle de l'islam dans la place que Allah Azzawajal leur a donnée. Donc, comme on dit souvent, elle veut une place qui n'est pas la leur et cela amène à une injustice. Imagine-toi quand tu prends l'avion, tu prends ton billet d'avion, d'accord? L'avion, il est rempli, par exemple. Et sur ton ticket, il y a écrit ton siège, c'est A47. A47. C'est vers le hublot. Et t'as des gens, ils ont payé un billet. Toi, t'as eu un billet aléatoire, gratuit. Les gens, ils ont payé leur billet, ils ont choisi leur place pour une raison particulière. Toi, t'arrives dans l'avion et on te dit, ta place, c'est celle-ci. Tu dis, ah non, en fait, je veux pas cette place, que cette place-là. Par exemple, dès que je vais aux toilettes, je dérange tout le monde. J'appelle le hublot, moi, je vais être près du couloir. Donc, tu mets dans le couloir. Mais après, il y a quelqu'un qui vient. Oh, allez, comme salam, voilà. Il y a quelqu'un qui vient et il dit, excusez-moi, c'est ma place. T'as fait quoi à ce moment-là? T'as pas envie de te lever, tu dis, non, je suis là, moi, après, je vais dans le hublot pour aller aux toilettes, ça va être une galère. Eh ben, en prenant cette place, tu te dis, c'est un siège, j'ai payé mon billet d'avion, oui, mais cette place-là n'est pas la tienne. Donc, en prenant cette place-là, tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Donc, tu as commis quoi? Une injustice. Et peut-être que même cette personne-là, elle a payé la place. Toi, tu l'as pas payé. Lui, il l'a payé. Il a choisi cette place-là pour une raison particulière, et toi, tu viens, tu prends sa place. Eh ben, quand les gens ne prennent pas la place que Allah leur a donnée, eh ben, ils amènent à un désordre, ils amènent à un façade, qui fasse que ça laisse d'autres personnes. Donc, comme une femme ne prend pas la place qu'elle lui a donnée, elle va prendre peut-être la place d'un homme. Ou empêcher un homme de faire ce qu'il a à faire. Et ainsi de suite. Ou empêcher une autre femme de faire ce qu'elle a à faire. Et ainsi de suite. Donc, ça amène à un désordre sur terre. Et, dans l'éducation occidentale, et particulièrement celle de la France, bah, c'est ça qu'on t'apprend. Apprendre une place qui n'est pas la tienne. Tant que homme que femme. D'accord? Même l'enfant, on lui donne une place qui n'est pas la sienne dans les pays de couf. Et qui veut également prendre une place qui n'est pas la sienne? Les homosexuels, on leur a donné une place qu'ils ne méritent même pas. Les animaux même, les droits des animaux, ils ont des droits au-dessus de ceux que Allah Azzawajal leur a donné. En réalité, les droits des animaux, dans l'islam, ils les ont. Mais chez les koufars, c'est abusé. D'accord? Les droits de l'homme, ils sont abusés. Les droits de la femme, ils sont abusés. Les droits de l'enfant, ils sont abusés. Les droits des gouverneurs, ils sont abusés. Les droits du peuple, ils sont abusés. Tout est abusé, car ce ne sont pas les lois que Allah a décrétées. Donc ça sème quoi? Un désordre sur terre. Et pourtant, ce désordre-là, il plaît à beaucoup de gens. Mais en réalité, non, ce n'est pas correct. Sans quoi Allah Azzawajal l'aurait légiféré et l'islam l'aurait approuvé, l'aurait confirmé. Tayyib. Et après, elle finit ce passage en citant un dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent pour éviter justement les ahwa qui sont très dangereux. Akhraja Tirmidhi fi sunanihi min tariq Ziyad ibn Ilaqa an ammihi wa huwa Qutbah ibn Malik رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. Il a dit, le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait un dua dans lequel il disait, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les mauvaises mœurs, les mauvais comportements, les mauvaises manières ou autres, ainsi que les mauvais actes et les passions. Il cherchait refuge contre les passions. Non. De là, on a fini la lecture qui concernait le suivi des passions. Et on a expliqué pourquoi on a voulu vraiment citer ce passage-là. du fait que, dans ce qui va suivre dans le livre, des choses peuvent piquer l'âme de la personne et Shaitan peut entrer par là pour faire des wasawis et pour dire, mais regarde ce qu'il dit. Regarde ce qui est dit là. C'est pas normal. Parce que toi, en réalité, tu mérites telle et telle chose. Ou tu mérites pas telle et telle chose. Regarde Fulana qui est comme toi, pourtant elle fait pas ci, elle fait pas cela. Donc nous, on revient pour dire que nous, ce qui nous dirige, c'est pas Fulana. Ou c'est parce que nos ressentis ou nos sentiments, nos émotions. Ce qui nous dirige, c'est qu'à Allah, qu'à Rasoul, wa ma fa'ala sahaba. Et qui plus est pour les femmes, les sahabiyat. L'exemple à suivre pour les femmes, ce sont les sahabiyat. Les femmes de l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les meilleures des femmes. Et qui plus est ces femmes à lui. D'accord? Ces femmes à lui, qui sont les mutahharat, et qui sont les femmes, qui sont les mères des croyants. Au Jannah. Et que Allah Zawajal n'a pas donné à son prophète que ce qu'il y a de meilleur pour lui. Donc il a donné les meilleures des femmes. Donc de là, on va voir beaucoup de hadiths et de règles étant basées sur, justement, les sahabiyat. Quand la révélation descendait, les concernant, les hadiths sont venus, les concernant, ou ce qu'elles-mêmes, ce dont elles témoignent, ou ce qu'elles-mêmes ont appliqué, ou ont fait, ou ont dit. Tant que ce soit ce qui est véridique, ce qui est la plupart des cas, ce qui aurait pu être des erreurs, et qui a été rectifié par la religion, dû que le fait que, en dehors du prophète, l'être humain n'est pas infaillible, qui qu'il soit. Des fois, il peut être amené à penser une chose, et en réalité, il n'est pas juste. Cependant, il a voulu le bien, mais l'islam vient pour corriger la révélation, et de là, la personne, bah, bien sûr, elle se rectifie. Contrairement à nous, à notre époque, on va faire des erreurs, on nous le déclare, et nous, on continue, on persiste, voire même, on combat pour le défendre. Les sahaba, non. Ce qu'ils ont fait, c'est un ijtihad qu'ils ont fait, et le Nabi sallam les corrige, pour leur dire, telle chose, il faut la faire comme ça, ou il faut la faire comme ça, ainsi de suite. Mais jamais, ne rend jamais, ils n'ont transgressé volontairement, ou n'ont persisté sur une erreur. Jamais de la vie. Nous, le fait que c'était meilleur que nous. Mais bien sûr, ça c'est dans les cas où ils ont agi avant d'avoir eu un ordre. Et ainsi de suite. Donc des fois, une erreur commise est une leçon acquise. Une erreur commise, en réalité, est une leçon acquise. On tire leçon de nos erreurs. Donc, en fait, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ce sera la deuxième partie de la Muqaddima. Bismillah ta'ala. Et à compter de samedi, on rentre dans le vif du livre. Inch'Allah ta'ala. Je voulais aujourd'hui commencer le premier passage, mais en réalité, ça va faire trop long. Et moi, j'aime pas faire trop long. J'aime bien un dirs qui dure une demi-heure, 40 minutes en général. Après, des fois, bon, on est amené à parler un peu plus que prévu. Ou des fois, on sort du sujet aussi pour des exemples qu'on donne, anecdotes ou quoi. Mais en réalité, moi, j'aime les douloureux qui sont concis, une demi-heure, 40 minutes. Ça me paraît, quand c'est trop long, on oublie. Et ça amène de la lassitude. Et ce qui s'ensuit. Non. On va s'arrêter là, bismillah ta'ala. Et je vous donne rendez-vous. Inch'Allah, yom al-sabt wal ahad. Samedi et dimanche. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah.